إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 28 dans l'explication de la Aqidah des deux Razi, Aqidah al-Raziyayn, et c'est Abu Hatim et Abu Zur'a, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, deux imams parmi les imams du Hadith et de la Sunnah de l'époque des Salaf al-Salih, avec les commentaires de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, un des grands ulama et des imams de la sunna de notre époque. Et donc on commence, ou bien plutôt on continue le point numéro 30 qu'on avait commencé à expliquer au dernier cours. Et ce point concerne, ou bien il est à propos de la question de Al-Kalam, yani Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, et la question de la réfutation des Jahmiyyah et des Mu'tazila au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a parlé de ça au dernier cours, on a parlé des Jahmiyyah, puis on a parlé de certaines paroles, certaines expressions qui sont mentionnées parfois par certains individus et qui faisaient partie justement des ambiguïtés qu'il mentionnait au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc parfois ils utilisaient des ruses, ou bien par ignorance ils disaient des expressions pour exprimer leur position vis-à-vis de la aqidah au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces expressions-là impliquaient parfois des choses fausses, des choses qui sont en contraire avec l'islam, avec la aqida, avec le tawhid. Et donc, des fois c'était fait de la part de personnes qui sont malhonnêtes, qui sont des gens de bid'a, et qui voulaient se cacher ou se camoufler, et cacher leur bid'a. Ou bien, parfois c'est des gens qui prononçaient ces paroles-là par ignorance. Dans tous les cas, les ulama, ils ont classifié ces choses-là. Et donc on a expliqué dans le point 30, parce que les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils disent man shakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir. Yani man shakka fi kufrihi, al maqsoud man shakka fi kufri man za'ama anna al Qur'an makhluq. C'est-à-dire celui qui doute en la mécréance de celui qui dit que le Coran est créé, alors qu'il comprend ce qu'il dit, alors il est kafir. Ça c'est la première phrase. La deuxième, l'autre phrase c'est وَمَنْ شَكَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَوَقَفَ شَاكًا فِيهِ يَقُولُ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِي. Donc c'est la suite, c'est et quiconque doute en la parole d'Allah Azza wa Jal et qui reste dans le doute à son sujet, à savoir comme par exemple s'il dit je ne sais pas si la parole d'Allah est créée ou non créée, ou bien je ne sais pas si cette parole est créée ou non, celui qui est dans ce doute là en réalité c'est un jahmi en réalité. C'est un jahmi. Et il prend la position de l'incertitude ou du doute par rapport à cette question, parce qu'en réalité, il ne croit pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est incréée. Il ne croit pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Et donc, il prend cette position de doute parce qu'il refuse de dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est réelle et qu'elle n'est pas créée. Non. Et ensuite, l'autre phrase, c'est « وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا عُلِّمَ وَبُدِّعَ وَلَمْ يُكَفَّرْ » C'est-à-dire, celui qui se tient, yani, par rapport au Coran, il dit « je ne dis pas si c'est créé ou non ». Il s'arrête sur la question. Mais il s'arrête pas par rapport à un doute, hein, mais par rapport à l'ignorance. Alors, le cheikh dit, dans ce cas-là, cette personne, on lui enseigne. Si c'est parce qu'elle refuse de prendre position parce qu'elle est ignorante, dans ce cas-là, on lui enseigne. C'est-à-dire, on lui explique les versets du Coran qui prouvent que le Coran est la parole d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala parle. On lui donne les preuves, puis on lui enseigne. Puis, il dit وَبُدِّعَ وَلَمْ يُكَفَّرْ. On va dire de cette catégorie de personnes qui s'arrêtent, qui refusent de dire que c'est créé ou non, par ignorance, que c'est des gens qui sont sur la bid'a. Hein? Que c'est des gens de bid'a. Et cette position ou cette attitude-là, c'est bid'a. Et on ne va pas le déclarer kafir. On ne va pas le déclarer kafir. Contrairement aux Jahmiyyah, les Jahmiyyah sont déclarés kuffar une fois que la preuve a été établie contre ces gens-là. Ça veut dire que c'est clair que c'est des kuffar. Tandis que ceux-là, non. Il dit وَمَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌّ. Celui qui dit ma parole, hein, ma prononciation du Coran est créée, alors c'est un Jahmi. Ou bien celui qui dit le Coran, hein, le Coran bi lafzi makhluqun fa huwa jahmi. Donc celui qui dit ma prononciation du Coran est créée, alors c'est un jahmi. Ou bien celui qui dit le Coran par ma prononciation est créé, alors lui aussi c'est un jahmi. Et on a commencé à expliquer ces points-là et ces explications. On a donné quelques explications déjà. Et on va continuer à partir de l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, le cheikh, il explique, il dit « يُعَطِّلُونَ صِفَةَ الرَّحْمَةِ وَهُمْ يَقُولُونَ لَكَ إِنَّ التِّكْرَارُ وَالتَّأْكِيدُ يَرْفَعَانِ احْتِمَالَ الْمَجَازِ » Non, parce qu'on a expliqué au dernier cours que les gens de bid'a, comme les Mu'tazila par exemple, ceux qui nient les attributs d'Allah, ils prétendent que les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, comme l'attribut de la parole, ils prétendent que ça c'est des choses qui sont allégoriques et symboliques, c'est-à-dire que c'est pas des choses réelles. Donc ils disent, par exemple, la parole d'Allah, c'est pas vraiment sa parole, c'est quelque chose qu'il a créé et qu'il a appelé symboliquement ou allégoriquement sa parole. Et ils prétendent que la raison pour laquelle ils refusent de dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement, c'est parce qu'ils craignent d'attribuer ou de faire entre Allah et sa création des ressemblances. Hein? Ou de faire ressembler Allah à sa création. Et on a expliqué déjà plusieurs fois qu'il n'y a aucune raison d'avoir cette crainte, hein, puisqu'il n'y a à la base aucune ressemblance entre le Créateur et la créature. Hein? Donc, de dire que, par exemple, tel ou tel attribut, elle est allégorique, elle n'est pas réelle, eh bien, comme le cheikh expliquait au dernier cours, comme qu'est-ce qu'on a lu au dernier cours, il disait que les Mu'tazila ont établi des règles pour déterminer qu'est-ce qui est allégorique et non, ou non allégorique. Et parmi les règles de ce qui n'est pas allégorique selon eux, c'est ce qui est répété plusieurs fois, hein, est confirmé, hein, de façon que yani, on ne peut pas dire que c'est allégorique, parce que c'est répété plusieurs fois dans la même formulation et dans le même sens, et ça vient être confirmé par différentes formes de confirmation. Donc dans ce cas-là, on dit ça c'est réel, c'est pas allégorique. Et donc le cheikh il dit, dans ce cas-là, on peut utiliser ça comme preuve contre eux-mêmes, selon leurs règles, leurs propres règles, que eux ils prétendent que c'est allégorique, alors que on a plein de preuves dans la langue arabe et dans les versets, dans ces versets-là et dans les preuves de la langue arabe et du fait que ces versets qui se répètent et qui mentionnent ces attributs-là sont très nombreux. Tout ça, c'est des preuves que yani, c'est quelque chose qui est réel et non pas allégorique. Et donc, il a donné l'exemple avec Al-Kalam, et il donne des exemples également avec d'autres attributs. Comme Al-Kalam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné « wa kallam Allah » et on a dit que le shadda sur « kallama » ça c'est une forme de tawkid aussi, c'est une forme de... c'est pour renforcer. Et takliman, le fait que le masdar aussi est mentionné, ça aussi c'est pour confirmer, hein. Donc tout ça c'est pour mentionner, pour montrer que la chose est réelle, c'est pas allégorique ou symbolique. Donc ça peut pas être allégorique ou symbolique. Et la même chose pour l'attribut par exemple de la miséricorde. الشيخ الذي يعطلون صفة الرحمة وهم يقولون لك إن التكرار والتأكيد يرفعان احتمال المجاز وإذا قلت جاء زيد احتمل أن يكون جاء رسوله جاء كتابه جاء عبده جاء كذا لكن لما تقول جاء زيد يقولون ارتفع احتمال المجاز وثبت مجيء زيد حقيقة. Donc le cheikh il dit, par exemple les gens de bid'a, parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, ils nient l'attribut de la miséricorde. Ok, et ils disent ensuite que le fait qu'une attribut soit répété ou quelque chose soit répété plusieurs fois ou confirmé par des formules ou des règles, des éléments grammaticaux, eh bien, dans ce cas-là, ça prouve que la chose en question ou l'attribut en question peut pas être quelque chose d'allégorique. Il y a l'ihtimal, la possibilité que cet attribut-là soit allégorique est enlevé automatiquement à cause de soit la répétition ou soit l'emphase ou la force qui est rajoutée par des éléments de la grammaire sur ces expressions, sur ces mots, sur ces attributs. Donc ça c'est des exemples que le cheikh a mentionné, je les ai expliqués. Et après il dit, si par exemple je dis Zayd est venu. Si je dis Zayd est venu, il dit il y a la possibilité que Zayd soit venu lui-même, ou bien que son messager soit venu, ou que sa lettre ou son livre, son écrit soit venu, ou bien que son esclave soit venu. Hein? Ça c'est des possibilités. Mais si tu dis, tu le répètes deux fois, tu dis Ja'a Zaydun, Ja'a Zaydun, c'est-à-dire Zayd est venu, eh bien là ils disent, les Mu'tazila, dans ce cas-là, on a enlevé la possibilité que ce soit allégorique. Et la venue de Zayd, elle est maintenant confirmée de façon réelle, hein, parce qu'elle est répétée. Et il dit « وَهَذَا الْمَجِي الَّذِي حَصَلَ مِنْ زَيْدِ حَقِيقَةً » Et donc cette venue qui s'est produite de la part de Zayd, elle est réelle. « نَأْتِي لنطبق القاعدة على صفة الرحمة مثلا وصفة الكلام، فنجد القواعد تنصب على رؤوسهم أو تنصب على رؤوسهم. قالوا التكرار يرفع احتمال المجاز ويثبت الحقائق. نقول لهم صفة الرحمة كررها الله مئات المرات في القرآن الكريم، أكثر من 500 مرة. ووصف الله فيها نفسه بالرحمة، أليس هذا تكرار؟ Donc le cheikh il dit, maintenant on va appliquer la règle sur l'attribut de la miséricorde par exemple et l'attribut de la parole. Et donc on retrouve dans les règles qu'elles s'appliquent et elles se tournent contre leur propre tête. Ils disent le fait qu'il y ait répétition, ça enlève la possibilité de l'allégorie et du symbolisme. Et on ne peut qu'affirmer la vérité dans ce cas-là, la réalité d'une chose. Alors, dans ce cas-là, on dit, dans ce cas-là, regardez l'attribut de la miséricorde. Elle est répétée dans le Coran des centaines de fois, plus que 500 fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit par l'attribut de la miséricorde plus que 500 fois. Est-ce que ça, c'est pas de la répétition? Alors le cheikh il dit كلام الكافر إذا جاء بمؤكد يرفع احتمال المجاز ورب العالمين يأتي بمؤكدات ومؤكدات ومؤكدات وتصرفون على أن هذه الرحمة مجاز. Donc le cheikh il dit, si c'est la parole d'un non-croyant, d'un mécréant, et que sa parole elle vient confirmer et répéter, ou qu'on a enlevé la possibilité que ce soit allégorique par un des éléments qui peut justement faire en sorte que ce soit enlevé. Dans ce cas-là, vous dites, ça c'est pas allégorique, c'est réel. Mais quand on vient à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que sa parole est confirmée par des centaines de confirmations, eh bien, dans ce qu'il y en a, vous le déformez de son sens et vous dites que c'est que cet attribut de la miséricorde elle est allégorique. Donc ça c'est contradictoire. Yani c'est contradictoire. Alors le cheikh il dit bismillahir rahmanir rahim iftataha Allah subhanahu wa ta'ala kull suratin min al-Qur'an al-Karim 'ada surati bara'ah bil basmalati wa fiha sifatu ar-rahmah كررها مئة وثلاثة عشرة مرة مئة وثلاثة عشرة مرة. Donc le cheikh il dit Bismillahirrahmanirrahim, dans le basmala qui est mentionné au devant ou à l'ouverture de toutes les différentes sourates dans le Coran excepté sourate Bara'ah qui est appelée également sourate At-Tawbah, qui est la sourate 9. Elles sont toutes débutées par Bismillahirrahmanirrahim. Et dans cette expression, dans cette formule Bismillahirrahmanirrahim, il y a Ar-Rahman, qui est un des noms d'Allah, et Ar-Rahim. Et ces deux noms d'Allah découlent du mot Rahmah, la miséricorde, et qui est en fait l'attribut de la miséricorde. Et donc, seulement ça, il est répété, il dit le cheikh, 113 fois, parce qu'il y a 114 surah, 114 surah, moins une, puisque dans le surah Tawbah, on ne voit pas Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, le cheikh il dit وبعدها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كم مرة أكد هذه الصفة أرأيتم الضلال والهوى كيف يفعل بأصحابه. Donc il dit, et après ça, dans Sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Donc ici, c'est combien de fois que cet attribut est confirmé? Donc juste dans ces quelques versets, dans l'introduction de, du Coran, dans le début du Coran, on voit que en quelques versets, en deux ou trois versets, eh bien, il y a déjà quatre confirmations de l'attribut de la miséricorde. Donc, vous voyez comment c'est une contradiction de la part des Jahmiyyah et des Mu'tazila de prétendre une règle, puis par la suite de la contredire, après qu'on ait vu qu'il y a plein de confirmation des attributs d'Allah, et eux ils viennent et ils continuent malgré tout à nier cet attribut. Et la raison pour laquelle ils nient la miséricorde, c'est parce qu'ils disent que la miséricorde c'est un sentiment humain, de pitié ou de quelque chose de ce genre. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les Jahmiyyah et les Mu'tazila, c'est qu'ils regardent les attributs tels qu'elles sont chez les êtres humains. Puis ils disent, étant donné que chez les êtres humains, tel attribut signifie telle chose, ou implique telle chose pour les hommes, donc ça voudrait dire que ça veut dire la même chose, ou que ça implique la même chose pour le Créateur. Et donc, ils font at-tashbih, ils font ressembler l'attribut de la créature à l'attribut du Créateur dans leur esprit, puis pour s'échapper de cette erreur et de cet égarement, il saute vers un autre égarement, c'est la négation de l'attribut, et la déformation de son sens. Donc ils disent par exemple, Ar-Rahma, si on l'affirme à Allah, ça implique une imperfection, donc il faut la nier. Et donc qu'est-ce qu'ils vont dire à la place? Ils vont dire que Ar-Rahma, la miséricorde, ça ne veut pas dire la miséricorde, mais pour Allah ça veut dire la volonté. Allah musta'an. Et donc, on se demande, mais pourquoi vous remplacez la miséricorde par la volonté, alors que, vous dites parce que la volonté, c'est, vous dites là, parce que la miséricorde c'est un attribut que les créatures possèdent, les êtres humains ils possèdent la miséricorde, donc on ne peut pas l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on la remplace par la volonté. Alors on peut leur demander la question suivante. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous affirmez la volonté, puisque la volonté existe également chez les créatures? Donc pourquoi vous l'affirmez chez vous affirmez la volonté, mais vous refusez d'affirmer la miséricorde? C'est une contradiction. Et la même chose pour la vue et l'ouïe, et la même chose pour la science, et la même chose pour la vie, et la même chose pour la parole. Ils disent non, mais ça c'est différent, parce que ça c'est des attributs qui sont chez Allah différentes que chez les créatures. Donc on leur dit, dans ce cas là si vous dites que c'est différent pour ces attributs là c'est différent chez le Créateur de chez la créature, pourquoi vous ne dites pas la même chose pour les autres attributs comme la miséricorde et la parole et les autres, l'ouïe, la vue et ainsi de suite? Et bien vous pouvez dire la même chose à propos des autres attributs d'Allah. Mais ce sont des gens qui suivent leur passion, comme le cheikh il mentionne. Après, le cheikh il dit Na'ti ila sifatil kalam. Maintenant, on va mentionner l'attribut de la parole. Ya'ni sifatul kalam, qawlullah ta'ala wa in ahadun min al mushrikin astajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني القرآن كلام الله هو القرآن. يعني القرآن كلام الله هو القرآن. وكلم الله موسى تكليما. وهنا أكد الفعل كلم بالمصدر. وهذا التأكيد يرفع احتمال المجاز عندهم وعند غيرهم. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا من أدلة أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وهذا صفة كلام كون بها كل المخلوقات السماوات والأرض، والجنة كانت بكلامه، والنار كانت بكلامه، والجبال كانت يعني والبحار والأنهار، كل شيء حصل بكلام الله تعالى. الكوني والتشريعي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلها جاءت بكلام الله سبحانه وتعالى. فمن زعم مع هذا أن القرآن مخلوق كفره السلف. Donc, le Cheikh, il explique, il dit que, maintenant on va parler de l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si un d'entre les mushrikines te demande la protection, alors offre-lui ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il entende le Coran. Parce que la parole d'Allah, ici dans le verset, c'est le Coran. Et donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, et que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et également, ça c'est dans le verset 16 dans sourate At-Tawbah, le verset 164 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa kallama Allah Musa taklima. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle à Moussa. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle est accrochée sur le mur, oh, juste là, regarde. Wa fi kabar la masse, inshallah. Non. Donc, kallama Allah Musa taklima, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes parlé à Moussa. Et le verbe en arabe, kallama takliman, ça c'est une forme de confirmation. Ça rajoute de l'emphase et de la force au verbe. Quand tu dis kallama takliman, donc le masdar, il vient ici pour rajouter de la force, et donc il dit le cheikh, ça enlève toute possibilité d'allégorie par rapport à l'attribut. Et ça c'est vrai pour les Mu'tazila et c'est vrai pour les autres. Et dans l'autre verset 82 dans sourate Yassine, il dit son commandement, et seulement lorsqu'il veut quelque chose, son commandement n'est que de dire à cette chose lorsqu'il la veut, soit et elle est. Donc il n'a qu'à ordonner, il dit à la chose soit et elle est. Ça c'est, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Et donc c'est par cet attribut de la parole qu'il a créé toutes les créatures des cieux et de la terre, du paradis, tout ça il a créé, même l'enfer il a créé avec sa parole, par sa parole, et les montagnes, et les océans, et les rivières, toutes ces choses-là ont été créées par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit al-kawni wa al-tashri'i kulluha ja'at bi kalamillah. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et tout ce qu'il a légiféré, tout ça c'est venu par sa parole. Donc, quiconque pense que ce Coran est créé, les salafs l'ont déclaré mécréant. Les salafs l'ont déclaré mécréant. Donc, ensuite, le Cheikh il dit وَمْتُحِنَ لِمَمْ أَحْمَدِ بِنْ حَمْبَلْ وَإِخْوَانِهِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ مِحْنَةً عَظِيمَةً جِدًّا من الجهمية الذين تسلطوا على ثلاثة من ولاة العباسيين المأمون والمعتصم والواثق فأنزلوا بأهل السنة من المحن ما لا يعلمه إلا الله من القتل والسجن والفصل من الوظائف حتى أن الأسرى إذا ذهبوا يجاهدون لا يفكونهم إلا إذا اعترفوا بأن القرآن مخلوق وإلا لا يفكون أسرهم وبلغوا مبلغا عظيما من الظلم ومع ذلك صبر الإمام أحمد وصمد يقول القرآن كلام الله قال له بعض الناس نقوم بثورة قال لا هذه فتنة قالوا له نحن في فتنة وهم يعلمون أولادنا أن القرآن مخلوق قال الفتنة التي تترتب على القتال أكبر من هذه يعني تسفك فيها الدماء وتقطع فيها السبل لم يقل هذا هذا جبنا ولا خوفا فقد ضرب ضربا لا تطيقه الجبال وما اهتز ولا خاف ولا زجع ولكنه يخشى الله ويعني يدرك المصالح والمفاسد الآن مطالب الشعوب الهتاف والهتاف بالحقوق أكثر حقوقهم كذب حتى ولو كان لكم حقوق أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان نعم كفر كالشمس واضح أما ما دام يصلي فلا قال صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا مختار سنفعل الأذان إن شاء الله بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة أتي محمدا الوسيلة وعليكم السلام أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته نعم طيب donc on va traduire qu'est-ce qu'on a lu puis après on va s'arrêter inshallah pour la salat. Donc l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ainsi que ses frères parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah ils ont subi une grande épreuve hein, de la part des Jahmiyyah qui avaient réussi à prendre le contrôle de trois parmi les khulafa al-Abbasiyyin. Le premier c'était al-Ma'mun et le deuxième al-Mu'tasim et le troisième al-Wathiq et ils ont fait des épreuves terribles hein, aux gens de la Sunnah. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait à quel point ils ont été éprouvés hein, par les Mu'tazila. Ils ont subi, hein, ils ont été tués, ils ont été emprisonnés, ils ont été démis de leurs fonctions. Et même, il paraît que même, hein, le cheikh il mentionne ici, que même les esclaves, ou plutôt les prisonniers, lorsqu'ils étaient... envoyés lorsqu'ils partaient pour le djihad, ils ne les libéraient pas, excepté s'ils reconnaissaient que le Coran est créé. Donc ils leur faisaient dire, est-ce que vous croyez que le Coran est créé? S'ils refusaient, ils ne les libéraient pas. S'ils disaient oui, hein, ils les libéraient. Donc c'est pour dire à quel point c'était arrivé à un niveau grave d'injustice. Et malgré tout ça, l'imam Ahmad, il a été ferme et il a été patient. Il a enduré. Et il a dit, le Coran est la parole d'Allah. Hein? Et certaines personnes sont venues le voir et lui ont dit, pourquoi on ne va pas se révolter contre les dirigeants qui appellent à cette parole hein? Alors l'imam Ahmad a dit, non, ça c'est une fitna si vous sortez contre lui. Hein? Contre les dirigeants, ça c'est une fitna. Alors, ils ont répondu à l'imam Ahmed en disant « Oui, mais nous, on est déjà dans une fitna. » En voulant dire que l'appel à dire que le Coran est créé, ça c'est une fitna. Et il dit « Eux, ils sont en train d'enseigner ça à nos enfants. » que le Coran est créé. L'imam Ahmad a dit, la fitna qui découle du fait d'appeler au combat contre les dirigeants, c'est plus grand encore comme fitna. Parce que dans ce cas-là, il y aura le sang qui coule et les chemins, les gens vont... il y aura des brigands qui vont couper les chemins, il y aura toutes sortes de problèmes, hein, comme on sait, l'insécurité, l'instabilité, et ainsi de suite. Et le cheikh dit que l'imam Ahmad, il a pas dit ça aux gens par peur ou par crainte, hein, parce que la preuve qu'il a pas peur, c'est qu'il a été lui-même frappé et torturé, il a reçu des coups que les montagnes peuvent pas, même les montagnes peuvent pas supporter. Mais hein, il n'a pas eu peur, il n'a pas été se plaindre ou quoi que ce soit. Il ne craignait que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il comprenait les méfaits et les aspects, il y en a bénéfiques, et les méfaits qui découlent des réactions de ce genre. Maintenant, tu vois que les peuples, ils appellent et ils demandent leurs droits. Il dit, la plupart de ces droits-là sont des mensonges. Hein? Même s'ils avaient des droits réellement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans et les hommes en général à être patients envers leurs dirigeants. Et il a dit, Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous avons donné l'allégeance sur l'écoute et l'obéissance. Dans nos moments où on est en forme, on a de l'énergie, des moments qu'on, dans les choses qui nous déplaisent et dans les choses qui nous plaisent, dans la difficulté, dans la facilité, et même si ces dirigeants-là se donnent des privilèges dans les affaires de la vie d'ici-bas, au-dessus de nous, ou sur les gens, ils s'accaparent des biens, ils font de l'injustice, de ne pas disputer à ceux qui détiennent le commandement qu'ils possèdent, ne pas leur disputer l'autorité. Et il dit, acceptez si vous voyez une mécréance qui est claire au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. Donc le cheikh, après avoir cité ce hadith, il dit, et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit, donc ça doit être une mécréance qui est claire comme le soleil. Mais tant que le dirigeant fait la salat, on n'a pas le droit de se révolter contre lui. Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura sur vous des dirigeants et vous allez approuver de certaines des choses qu'ils font et d'autres que vous allez condamner. Celui qui a détesté ce qu'ils font dans son cœur, il est innocent, tandis que celui qui condamne ce qu'ils font, il est épargné, hein, du mal, tandis que celui qui est satisfait et qui suit dans le mal, alors celui-là, c'est lui qui a commis un péché. Ils ont dit, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre s'ils sont comme ça? Il a dit, non, tant qu'ils font la salat. Tant qu'ils font la salat, on n'a pas le droit de se révolter ou d'appeler à la rébellion contre ses dirigeants. C'est quelques-uns des hadiths qui sont mentionnés par les ulama au sujet de l'obéissance aux dirigeants et de l'obligation de les écouter dans le bien et de ne pas se révolter contre eux. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite, inshallah, au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين